listening to Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. Vous venez d'entendre Metallica avec son dernier album 72 Seasons qui est paru la semaine dernière. J'imagine que tout le monde l'a écouté et disséqué avec attention et s'est fait sur son propre avis. Encore une fois, très tranché en ce qui concerne les Four Horsemen. C'était le morceau Lux Aeterna et premier single de cet album. Le chanteur australien Lex Corritney, que l'on avait vu il y a de ça quelques années au sein de Green Dollar Color, le plus français des chanteurs australiens, nous revient avec son dernier album Long Overdue, un très très bon disque de hard rock à l'australienne avec des guitares très bluesy que n'auraient pas renié des groupes comme Rose Tattoo ou alors Angels ou même AC/DC. Corritney, on s'en voit tout de suite le morceau qui ouvre cet album, Long Overdue, et c'est dans Overdrive Radio Duo. Oh, But you're only one. Yes, yes, Overdrive, ce soir sur Radio Duo, il est 21h passées de 45 minutes. Vous écoutiez Pop Evil avec The Eye of a Storm, extrait de cet album Skeletons, ce soir dans Overdrive. J'ai la chance d'avoir Nathanael du Dark Medieval Fest qui se tiendra sur la commune de Lamure-sur-Azergue dans le Rhône dans tout juste deux semaines. Ce sera le samedi 6 mai prochain. Donc, est-ce que tu nous entends bien de l'autre bout du fil? Oui, oui, je t'entends nickel. Ok, donc tu es un peu habitué d'Overdrive, puisqu'on, il me semble que c'était en 2019, avant les confinements, tu étais venu dans les studios, et bien entendu, ensuite, les éditions 2020 et 2021 n'ont pas pu se tenir, on le sait tous. Pourquoi ? Néanmoins, avec courage, vous aviez réussi à faire un événement en 2022 qui était un petit peu différent de ce que vous aviez fait précédemment, puisque vous étiez allé dans la grande ville de Lyon pour faire ce Dark Medieval Fest 2021. Alors, est-ce que tu peux revenir tout d'abord justement sur cet événement ? Comment est-ce que ça s'est déroulé et quelles ont été un petit peu les retombées ? Alors, voilà, nous, l'idée de base, c'était de continuer le festival en Beaujolais comme la première édition. On avait d'ailleurs eu la salle de Lamure-sur-Azergue pour l'édition 2020 qui a été annulée. Et voilà, on a voulu relancer la machine en 2022, on n'a pas réussi à aller au bout du projet sur Lamure-sur-Azergue. Du coup, on a cherché un peu d'autres possibilités, parce que voilà, on s'est dit, si on passe le coche, ça fera une année de plus sans rien, et les gens vont finir par oublier le festival, tout simplement, quoi. On voulait quand même montrer qu'on était présent. Du coup, on a démarché un peu d'autres salles, et c'est le Jack qui nous a offert les meilleures possibilités d'accueil en termes de public, aussi en termes d'accueil des groupes, parce que voilà, on a quand même besoin de pas mal d'espace vu le nombre de personnes qu'on reçoit, et on avait cette optique de pouvoir utiliser éventuellement l'espace extérieur pour la partie marché médiéval, animation, comme on l'avait proposé de manière plus petite sur la première édition, mais qu'on voulait développer à l'avenir. Et en fait, les différents services de la municipalité de Bron se sont un peu renvoyés à la balle et personne n'a voulu statuer un peu sur la partie extérieure. Et bon, au bout d'un moment, il était trop tard pour que ça aboutisse à quelque chose. Donc on a dû laisser tomber cette partie, c'est un petit peu dommage. Donc on s'est focalisé vraiment sur la partie concert. Alors c'est une affiche assez ambitieuse et on voulait marquer le coup pour le retour du festival. Malgré tout, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. La neige était au rendez-vous, ce qui a sûrement bloqué pas mal de personnes et une partie de nos bénévoles aussi. Et il y avait un autre concert le soir même au Ninkasikao. Voilà, un ensemble de facteurs qui fait que en termes de fréquentation, en étant en banlieue lyonnaise, on a eu le même nombre de personnes que la première année dans un petit village de 700 habitants dans la vallée d'Azergue. Du coup, ça a été un petit peu compliqué financièrement parlant, parce que le Jack ne laisse pas le bar aux associations, donc il y avait que la vente de billets pour nous permettre de nous en sortir. Et voilà, ça ne l'a pas fait. Malgré tout, on a décidé de continuer. On a fait le forcing cette fois-ci pour revenir en Beaujolais. On a négocié depuis la première heure avec la nouvelle équipe municipale de la Mercier-Azergues, et on a eu tous les voyants qui sont allumés au vert. Et donc on est fiers et heureux de pouvoir proposer le festival de retour sur sa terre natale, on va dire. On est à 10 km à peu près de la première édition, et avec un vrai extérieur, donc un vrai marché médiéval, des vraies animations, et voilà, on va vraiment retrouver l'esprit du festival tel qu'on le voyait à l'origine. J'imagine quand même que c'est plus simple d'organiser une fête médiévale comme ça, dans une petite ville, plutôt qu'en plein centre-ville. Et également, vous deviez avoir beaucoup plus de frais dus à la location de la salle, etc., j'imagine, du côté de Bron. Alors, l'avantage du Jack, c'est quand même une MJC. Du coup, les coûts pour une salle aussi qualitative et aussi bien équipée sont pas exorbitants. Mais la contrepartie, c'est qu'ils gardent le bar pour eux. Voilà, c'est vraiment la principale difficulté. Sur la Mercier-Azergues, on a quand même pas mal de frais. Hein. La salle est loin d'être gratuite. Elle est entièrement vide, donc il faut l'équiper en son et en lumière. Donc voilà, il y a quand même des frais qui sont pas négligeables, mais pour autant, voilà, on a cette possibilité de récupérer toute la partie bar, que chez nous appelons taverne, car on reste quand même dans le médiéval, et puis cette possibilité, voilà, de faire un événement festif, tant pour les festivaliers métalleux que pour les curieux aussi de la vallée d'Azergues, du Beaujolais, qui pourraient être tentés de venir profiter juste du côté médiéval. Rencontrer aussi les festivaliers, mais voilà, créer un petit peu une attractivité hors milieu métal, qui peut aussi nous permettre finalement de rentrer dans nos frais et de créer une bonne ambiance familiale et festive. Oui, sur le Dark Medieval Fest, vous avez toujours eu à cœur d'offrir quelque chose qui peut plaire et qui peut attirer non pas simplement les métalleux de la région, mais également le curieux, le chaland et la personne qui a envie de passer un samedi après-midi du début du mois de mai, qui est en général ensoleillé, avec une activité, un événement qui n'a pas peut-être très souvent à côté de chez lui. Et, voilà. Ouais. Oui, il y avait effectivement une époque, une fête médiévale pas très très loin au village de Ternan dans la vallée d'Azergues, qui a eu lieu de nombreuses années. Ça fait maintenant quelques années que ça n'existe plus. Et ils ont essayé de relancer ça, mais voilà, le côté médiéval déjà se fait rare maintenant, et le côté métal forcément encore beaucoup plus. Bah, de toute façon, le seul qui a eu lieu dans la région, c'était le premier Dark Medieval Fest. Et donc voilà, on va essayer effectivement de proposer déjà un événement un peu atypique dans ce cadre-là, mais aussi voilà, de mélanger les populations et finalement faire prendre conscience qu'on est un public tout à fait normal, civilisé, qu'on ne va pas brûler le village et piller et violer les femmes. C'est vraiment dans cette optique-là de pouvoir aussi installer le festival dans la durée. Si on arrive à se faire accepter sur cette édition-là, et ben, on aura fait déjà le plus gros et on aura peut-être un peu plus de soutien aussi sur les années à venir et pouvoir développer quelque chose d'assez sympa. On fait d'ailleurs, on fait travailler avec nous la plupart des associations médiévales de la région, et il y en a un paquet, parce que sur la Mercier-Azergues, il n'y a pas moins de 3 associations typé médiéval et puis une, le village à côté. Donc voilà, toutes vont participer de près ou de loin à ce Dark Medieval Fest. Donc voilà, on fait aussi travailler les associations locales et je pense qu'il y a moyen d'avoir vraiment une vraie belle communion, un vrai bel élan pour les années à venir. Ouais. Et justement, sur cette édition 2019, est-ce que vous aviez eu beaucoup de public, hein, un peu plutôt de grand public qui était présent lors de cette édition et qui est venu et qui a peut-être participé peut-être un peu de loin au concert, néanmoins. Alors sur la première édition, c'était un peu timide. Bon, Madame le maire de l'époque et puis des membres du conseil municipal étaient venus par curiosité, mais c'était une période un petit peu compliquée. On a eu quelques tensions de la part de certains groupuscules qui ont cherché à faire annuler le festival. Du coup, voilà, la mairie était assez réticente et voilà, les tensions ont fait qu'ils sont quand même restés un petit peu distants, mais le débriefing qu'on a pu faire, finalement, on a pu voir que tout le monde avait plutôt bien apprécié, mais les commerces locaux, en tout cas, ont pu aussi en profiter. On s'en plus rendre compte que le public qu'on accueillait était tout à fait sympathique. Et puis, ouais, il n'y a eu aucune nuisance à déplorer. Et donc, du coup, voilà, ça s'est pas mal apaisé et ça a aussi joué en notre faveur pour monter le dossier de la nouvelle édition. Et voilà, c'est vrai qu'ils sont plus habitués au fait de conscrits ou aurais-je parti dans les bois. Donc du coup, ils ne savaient pas trop sur quel pied danser par rapport à une annonce de festival métal, mais je pense qu'on a pu les rassurer, montrer notre sérieux. Et je pense qu'on aura un peu plus de public extérieur cette année, ne serait-ce que par la présence du marché des animations, mais aussi une équipe municipale qui est qui a l'air assez curieuse de voir ce que ça va donner. Donc je pense qu'ils viendront aussi sur place juger directement. Oui, après, ce qui peut, on va dire, rebrousser contre les poils, ce sera plus le style de musique extrême. Et justement, est-ce que les styles de on va pas dire de métal plus grand public, mais un peu plus avec plus de voix claires, pourraient justement ouvrir le Dark Medieval Fest au grand public? C'est y réfléchir, effectivement. Après, tout en restant un petit peu dans l'esthétique, j'imagine, du festival, avec bien entendu l'aspect un petit peu médiéval, etc. Beaucoup de groupes de power metal vont, on va dire, être dans cette mouvance-là également et pourraient, on va dire, arriver à équilibrer peut-être un peu plus l'affiche. Oui, tout à fait. Voilà, c'est nous, on est ouvert à tout tant que ça reste dans la thématique. Voilà, c'est clair que il y a cette composante qui, voilà, on va pas y déroger, que ce soit voilà autour du médiéval, du pagan, du viking. On élargit un petit peu, voilà, aux pirates, on va dire, mais on peut être aussi sur du métal, on va dire romain ou gaulois, voilà, pour faire vraiment une période historique assez large. Mais effectivement, il y a de tout dans tous les styles. Nous, après, voilà, c'est, de toute façon, c'est un arbitrage, quand on fait les affiches, un arbitrage entre la qualité musicale, le budget, bien évidemment, et puis la variété, voilà. Donc, si on a des opportunités intéressantes, sans pour autant tomber dans le mainstream, parce que voilà, c'est d'autres festivals s'en occupent et le font très bien. On a quand même une composante très underground, mais voilà, on est ouvert à tous les styles de musique qui restent dans la thématique. Mais on peut aussi imaginer avoir un groupe une année qui soit 100% acoustique, pas forcément en guitare saturée, mais il y a pas mal de groupes aussi dans le registre de musique. Oui, des groupes comme Unciferum qui sont bien dans cette ambiance pagane, viking, ont fait des prestations acoustiques, hein, donc ça peut être tout à fait... Oui, les Hollandais de Barlstromar aussi, ou même voilà, des groupes, oui, Trobar Démorté, etc. Enfin, il y a pas mal de très bons groupes dans ce registre-là, plus soft. Si un jour, par exemple, on passe sur deux jours où on fait une autre variante du festival plus acoustique, il y a pas mal de choses à étudier pour ouvrir le festival, mais sans perdre l'identité du festival. C'est ça aussi qu'on veut maintenir à l'avenir. Alors, vous avez eu une petite déconvenue il y a de ça quelques mois. C'est l'annulation d'excellents groupes Gascon, Boisson Divine, qu'on avait eu lors de la sortie de leur dernier album en interview. Ils ne seront pas à l'affiche. Est-ce que tu peux donner peut-être un peu plus de raisons pourquoi et par qui ils sont remplacés ? Alors, bah, Boisson Divine, en fait, bah, tout simplement, un batteur qui fait du rugby. Et qui se trimballe depuis quelque temps deux fractures au niveau des épaules. Non, et voilà, il arrivait encore à tenir le coup, mais son médecin lui a conseillé quand même de se faire opérer. Et du coup, il doit subir deux opérations cette année. Et la première tombait juste avant le festival, donc il allait être encore en pleine convalescence et en pleine rééducation. Du coup, incapable d'assurer la prestation. Donc voilà, il a fallu trouver un remplaçant un peu à la dernière minute et heureusement on a trouvé les fiers pirates de Totterfish qui vont garder cet esprit festif dans un autre registre, mais voilà, on voulait quand même garder un peu le côté festif de Boisson Divine pour pas trop décevoir le public qui les attendait et puis pour garder cette énergie. Donc voilà, Totterfish a répondu à l'appel. Il nous prépare d'ailleurs cette liste inédite avec beaucoup, beaucoup de nouveautés tirées du prochain album. Donc voilà, on est très curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer sur scène. Apparemment, il y aura pas mal de surprises. Donc voilà, ça va être la fête. Bah écoute, je te propose d'écouter ça tout de suite avec un morceau qui s'appelle Dancing in the Fog par Totterfish. T'es prêt ? Ouais, c'est parti. on parlait hors antenne, on s'est fait un petit peu surprendre par le timing du morceau. Vous venez d'entendre Total Fish avec Dancing in the Fog dans Overdrive pour présenter le Dark Medieval Fest qui se tiendra le samedi 6 mai prochain sur la commune de La Mure-sur Azergues. On reste dans le Rhône. Donc ce soir dans l'émission, j'ai Nathanaël qui nous présente l'organisation, puisque tu es président de l'association qui organise. Quel titre est-ce que tu as exactement ? Oui, voilà. Donc l'association qui organise le Dark Medieval Fest s'appelle Golden Stone Events et je suis le président de l'association. Ouais. Ok. Alors pour ceux qui ne connaissent pas La Mure sur Azergues, comment est-ce qu'on y va ? Si on n'a pas de voiture, est-ce qu'il y a des transports en commun ? Si on est dans le centre de Lyon, comment est-ce que ça marche ? Alors, tout simplement, effectivement, si on n'a pas de voiture, il y a la gare SNCF qui est à peu près à une minute à pied, juste en face de la salle. Donc, vous sortez du train, vous arrivez directement à la salle. Donc, là-dessus, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez dormir sur place et que vous venez avec votre tente, il y a un camping sur la commune à 10 minutes à pied de la salle. Donc voilà, faut pas hésiter. Le camping s'appelle Le Liseron. Ils ont un site internet. Vous pouvez les appeler, réserver un emplacement. Voilà, ça peut éviter de rentrer le soir même si vous êtes en voiture. Hein, c'est toujours agréable de pouvoir dormir sur place. Il y a aussi des hôtels qui sont pas très loin, des Airbnb ou pas mal de choses pour se loger. Même sur le parking, vous pouvez venir avec votre van ou votre camping-car, pas de souci. Il y a même une station de vidange pour les camping-cars. Il y a si vous voulez faire le plan d'eau potable, voilà, c'est tout équipé, donc tous les moyens sont bons pour venir. Il n'y a pas de problème, le train, la voiture, le camping-car, on accueille tout le monde sans problème. Et d'un point de vue du running order, à quelle heure est-ce que ça ouvre ? C'est en début d'après-midi, j'imagine ? Alors, le marché médiéval, les animations et le groupe qui jouera en extérieur, qui est un groupe de musique celtique, tout ça, ça commence à partir de 13h. Et puis, à 15h30, on va ouvrir les portes de la salle. Et le premier groupe montera sur scène dès 4h pour le goûter. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce que l'accès au village médiéval se fait uniquement avec le pass d'entrée au concert ou est-ce que c'est deux choses indépendantes ? Non, c'est deux choses indépendantes. La partie marché, animation, restauration, tout ça est en accès libre. Et le contrôle des billets se fait à l'entrée vraiment de la partie concert. Voilà, donc on a juste envie de se balader, oui. On peut quand même le faire. Oui, sans problème. Et puis de toute façon, après, voilà, chaque festivalier aura son petit bracelet. Du coup, pourra après entrer et sortir à sa guise entre les changements de plateau, voilà, pendant que les groupes s'installent. On peut forcément profiter du marché, des animations, aller faire ses petites vamplettes et revenir le moment voulu quand les concerts reprennent. Quoi. Voilà, c'est aussi pour ça que on laisse des temps de changement de plateau parfois un petit peu plus longs, mais ça peut permettre aussi de sortir, de profiter de ce qui se passe dehors, parce que toute la journée il va se passer quelque chose. Hein. On a plein d'associations qui vont venir. Montrer ce qui ça fait en combat, en jonglerie de feu. Il y aura de la musique, il y aura et tous les stands à découvrir. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire en extérieur et qui permettent déjà pour les non-métalleux de profiter d'un moment sympa. Et puis pour les métalleux, entre chaque groupe, pouvoir profiter un peu de l'ambiance général du festival. Et justement, d'un point de vue des artisans qui seront présents et qui présenteront leur travail, qu'est-ce qu'on pourra retrouver ? Puisque j'imagine que sur un village médiéval, on retrouve pas mal de petites productions assez sympas. Voilà, donc en tout, on a réussi à réunir une vingtaine d'artisans. Alors, on aura des travails de forge, on aura du cuir, on aura des écrivains. On aura de l'alimentaire, l'hypocrasse. Alors, l'Hippocras, il y en aura en vente au bar, à la taverne. Mais on n'a pas de vente sur le marché d'Hippocras. On aura par contre de la vente de sapinette. D'accord. Hydromel également, j'imagine. De quoi ? Hydromel également. Alors, hydromel à la taverne, pas en vente sur le marché, mais on aura un apiculteur. Et étonnamment, non, il ne fait pas d'hydromel. Mais on aura, oui, après, qu'est-ce qu'on a ? On a du bijou, de la déco. On aura, voilà, vraiment, ça va être assez varié dans tous les registres, voilà, alimentaire, boisson, mais pas celle que tu as citée. Il y aura un campement viking aussi, ils vont nous faire une petite reconstitution de vie d'époque. Donc voilà, pas mal de choses. Il y aura un food truck aussi qui servira des plats chauds toute la journée. Et puis à la taverne, à ce moment-là, oui, effectivement, on pourra retrouver les boissons typiques hydromel, Hippocras. Puis bien sûr, plusieurs sortes de bières, de soft et de tout ce que vous voulez, ainsi que des sandwichs à la fois carnivores, vegan et végétariens. Il y en a pour tous les goûts. Ok, super, super. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus, on va dire, aux plats de résistance. Ce sont bien entendu les concerts. Est-ce que tu peux nous présenter chacun des groupes qui sera présent à l'affiche ? Oui, tout à fait. Alors, on va commencer donc à 16h avec Vos Aigus, qui est un groupe... on connaît déjà un petit peu les musiciens parce que voilà, ils partagent leur rôle de musicien avec Infinitube et beaucoup d'autres groupes. Le leader a lui-même à peu près 11 formations, je crois, one man band ou véritable groupe. Donc voilà, on les a vus en 2022 avec Infinitube, ils reviennent cette année sous la forme de Vos Aigus, donc un pagan black de très haute volée là qui viennent de sortir leur nouvel album, c'est en février, deuxième album du groupe. Ensuite on aura les Suisses de Morgarten, c'est voilà le groupe suisse de black folk qui monte là actuellement, hein. Black folk assez épique et guerrier qui va, je pense, bien plaire à notre public. Ensuite, Dewfall, c'est un groupe italien assez méconnu par chez nous, qui est plus dans un registre black metal, mais dans une thématique très médiévale et épique. Donc voilà, je pense que ça va être une bien belle découverte. Ensuite, les Barcelonais de Dracum. Là, on est dans un registre totalement différent. On va dire une espèce de death folk très énergique avec un violon sur scène. Donc voilà, un côté très, très festif et rentre dedans. Et à la fois avec des grosses rythmiques et des gros riffs, qui devraient créer une bonne ambiance. Ensuite, Totterfish, qu'on a entendu il y a peu. Donc, pirate metal à consonance extrême. Voilà, plus extrême qu'un Hellstorm, mais avec de vraies mélodies, avec une vraie ambiance, et avec aussi, c'est toujours cet aspect assez festif de musique à boire, mais pas que. Il y a des vraies atmosphères. Donc, très, très hâte de les voir. Et puis, on va finir en apothéose avec les Allemands de Horn, qui fêtent leur 20 ans. Et qui, pour d'ailleurs leur 20 ans, ont réenregistré des vieux morceaux sous la forme d'une compilation qui sort la veille du festival, le 5 mai. Donc voilà, vous pourrez acheter vieille et nouvelle production sur le festival. Ça sera disponible, ça viendra tout juste de sortir. Ok, en tout cas, ça fait un bon programme. À mon sens, pour le Dark Medieval Fest, on le rappelle encore une fois, ça se tiendra du côté de Lamur-sur-Azergue le samedi 6 mai prochain, dans deux semaines. N'hésitez pas à prendre vos billets. D'ailleurs, quel est le moyen le plus simple si on veut soutenir le festival et justement prendre sa place en avance ? Où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors, le plus simple pour soutenir, c'est déjà effectivement de prendre ses places en avance. C'est vraiment le meilleur moyen, et pour ça, on a simplifié les choses, il n'y a qu'un seul moyen, c'est sur Hello Asso, le site d'Hello Asso. vous trouvez le lien aussi sur sur l'événement Facebook du Dark Medieval CS 2023. La place en prévente est à 22€ et la billetterie ferme le vendredi 5 à minuit. Donc voilà, après il y aura une billetterie sur place, ça sera 25€ directement à la salle. Je pense que c'est quand même honnête pour une place de festival avec combien ? 5, 6 groupes ? 7 6 groupes. 6 groupes en tout, ouais. Sur l'affiche, c'est quand même pas cher payé, à mon sens. Nathanaël, encore une fois, vraiment beaucoup de courage pour remettre en place cette édition sur ces presque terres natales. On te souhaite encore une fois beaucoup de courage pour cette édition. À mon avis, ça va être vraiment super, super cool. Samedi 6 mai prochain, en plus, on a un week-end de 3 jours, puisque le lundi 8 mai est férié, donc on n'a pas vraiment d'excuses pour ne pas y aller. Et voilà, on peut même venir de loin et voilà, profiter du week-end pour faire un petit week-end dans le Beaujolais. C'est intéressant. Il y en a d'ailleurs qui m'en ont parlé, qui vont profiter justement de leur venue sur le festival pour visiter un peu la région. Donc voilà, faut pas hésiter. Hein. Il y a plein de choses à faire. Surtout si on aime le médiéval, la vallée d'Azergues est assez riche. Il y a plein de choses à voir, plein de balades à faire dans les forêts aussi. Donc profitez de votre séjour et voilà, vous allez kiffer. En tout cas, merci à toi. On se quitte sur le son du groupe qui fera la tête d'affiche avec Horn and Alpen Recorder qu'on envoie tout de suite sur Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Voilà pour le Dark Medieval Fest. Encore une fois, on remercie Nathanaël pour l'interview ce soir. C'était vraiment super, super, super cool. On se redonne rendez-vous du côté de Lamur-sur-la-Azergue le samedi 6 mai prochain. On continue avec le groupe français Penumbra qui nous sort cet album Eden. Ils sont au fourneau depuis plus d'une vingtaine d'années à nous sortir de la musique à la fois sombre, mélancolique et aux influences extrêmes. Et justement, ces extrémités semblent s'élargir sur ce nouvel album Eden qu'on envoie tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Il est 22h passé de 23 minutes. Ce sera Inferno pour ce morceau qui ouvre cet album du groupe Penumbra. We'll be right back. Penumbra avec son dernier album Eden et le morceau Inferno. Vous écoutez toujours Overdrive Radio 2, les 22h passées de 30 minutes maintenant. On va passer au rocker finlandais gothique de 69 Eyes avec leur dernier album The Death of Darkness, une super prod, des morceaux super frais et catchy sur ce dernier album. Des Finlandais qu'on a vraiment pendant très longtemps associés à Typo Négative, et c'est peut-être justement quelque chose qui les a peut-être affaiblis dans leur carrière. Ils ont toujours eu l'ombre du géant vert derrière eux. Néanmoins, écouter leur musique, c'est vraiment super sympa et vraiment pas prise de tête. Death of Darkness par 69 Eyes dans Overdrive Radio 2. Fear all we are going to. Yes, vous venez d'entendre Alistair, hein, le groupe français Alistair, pour du thrash metal avec cet album Nightmare, 7 titres sortis là aussi sur M&O Music. Et on va passer à du grand maintenant, Run Magic, Run Magic. On sort cet album Beyond the Cenotaph of Mankind sur Hammer Art Records, qui est habitué aux très bonnes réalisations. Donc j'ai hâte d'entendre comme ça sonne. Rune Magic dans Overdrive Radio Duo, il est 22h passées de 40 minutes. We'll be right back. avec Run Magic que vous venez d'entendre, sorti sur Hammer Heart Records. C'était sur cet album Beyond the Cenotaph of Mankind, Drop Dead Chaos. Drop Dead Chaos pour ce nouveau projet français qui vaut sacrément le détour. Extrait de leur premier album Underneath the Sound. Donc ils s'étaient un petit peu lancés au début du confinement, un peu pour tout simplement pour en tant que recueil de musiciens français qui avaient un petit peu occupé leur temps libre en lançant quelques morceaux. Et c'est devenu un sacré groupe, c'est devenu un sacré quelque chose. Ils font un sacré bordel et c'est super bien fait sur cet album Underneath the Sound, sorti sur At Home Records. On avait passé le morceau Escape la dernière fois et maintenant ce sera Save Yourself par Drop Dead Chaos. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Audio. And you call me a naysayer. I know. Yes, Drop Dead Chaos, l'une des bonnes surprises de ce mois d'avril 2023. Underneath the Sound, ça vient de voir le jour sur At Home Records, des titres catchy, des hooks, comme on dirait en anglais, qui viennent s'intégrer dans votre système nerveux et ne plus en partir. Vraiment une superbe prod, également, encore une fois, Renato Di Folco qu'on a vu au sein de Goddamn, qu'on a vu avec les Tambours du Bronx, qu'on a vu avec plein de formations françaises, et là qui est vraiment comme un poisson dans l'eau. Meshuga maintenant, avec son album culte Obzen qui vient d'être réédité pour ses 15 ans sur le label Atomic Fire Music. On s'envoie la petite bombinette qui n'est pas un morceau lourd, un morceau écrasant comme ils font très souvent, mais il y a quelque chose d'assez rapide et d'assez tournoyant en même temps, avec le morceau Combustion que j'apprécie tout particulièrement pour quasiment terminer l'émission ce soir. Meshuga avec la réédition de l'album Obzen, qui avait quand même pas mal marqué les esprits et qui avait permis à Meshuga de gagner une certaine popularité au sein d'un public métal plus large que, on va dire, le succès plus d'estime qui était quand même assez difficile à entreprendre sur les albums peut-être précédents. Combustion tout de suite dans Overdrive par Meshuga. Voilà, après Meshuga, on va se quitter au son de Silent Skies, l'un des projets du chanteur de Evergrey, Tom Englund. Et un nouvel album pour ce staccanoviste de la musique avec cette magnifique reprise de Linkin Park, Numb, qu'il s'est vraiment approprié. On rappelle encore une fois le Dark Medieval Fest qui se tiendra le 6 mai prochain du côté de la Mursure à Zerg pour les amateurs de bonnes sorties médiévales, de métal on va dire épique. Et également de boissons comme de l'hydrocras ou de l'hydromel. Voilà, on rappelle le www.radiodio.org, le www.facebook.com/radiodio. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Ciao. Bye bye. Like you, can't you see that you're smothering me? Hold on too tightly, afraid to lose control. It's everything you thought I would be has fallen apart right in front of you. Every step that